Radio Le Zinc. Bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Le Zinc. Perdu le ciel, mais il paraît qu'il n'a jamais existé. Alors j'ai rien perdu. Remarquez, j'ai rien gagné non plus, à part l'illusion d'être mort. Mort, la bouche ouverte, pleine de sable, sur une plage déserte où le vent souffle fort, où le vent souffle dans le dos, face à la mer. Il me pousse à y plonger, je n'ai rien à y gagner, juste à m'y noyer, ne plus respirer au fond. Une histoire superficielle, au fond des yeux, et dire que je croyais aux femmes, c'est tout juste si je crois en l'homme. Pendant ce temps, les dunes m'attendent, elles me voient nager au milieu des requins. Je ne les caresse plus, je te touchais toi, et ça y est, je n'ai plus de main. Tu sais ce qu'elles disent, le corail il paraît, mais du sang coule sur le sable. Les traces de dents sont là et le sel pique. Surtout, ne pas toucher l'eau. Surtout, ne pas toucher l'eau. La cicatrice, guérir. Et oui, encore une fois, Radio Lozinc sur la très locale RVR rend hommage au plus beau des cadavres exquis du rock français. Agora Fidelio aura peut-être trouvé un public entre 2000 et 2012, mais les Toulousains sont aujourd'hui recouverts de la poussière qui recouvre aussi les Lista et autres superflus. I'm Comme tous les jeudis à partir de 17h, vous écoutez Radio Le Zinc sur la trail locale RVR. Sève de bambou, petit vent qui joue, mon autre joue, mon autre fou. Ouais. Mon suave chou, je te bave dans le cou, ma betterave chou, je me lave en vous. Écorce âme sœur, frotte-moi tout doux, leur bord du cœur où je te mords de peur. Larme de loup, lourde est mon âme, tu rends mon pouls igloo, igloo, igloo. Larme de loup, lourde est mon âme, tu rends. Songe de nous, à demi-nous, sur nos genoux, saignés à bout. Ouais. Notre bois de fée est à deux pas, d'être foulé, fêlé, fada, on ne l'atteint pas. Écorce âme sœur, frotte-moi tout doux, leur bord du cœur où je te mords de peur. De profiter des larmes de loup offertes par la roqueuse écaillée à la voix éraillée Orly Chap, qui est aussi dans Radio Le Zinc et sera encore pour longtemps dans Radio Le Zinc sur la trail locale RVR. Mais heureusement, des artistes toujours bien vivants, artistiquement je parle, sont aussi au rendez-vous dans Radio Le Zinc, comme le Bancal Chéri. Danser, ça m'étonne qu'il est fatigué de penser. Cet homme veut danser, cet homme continue de marcher dans l'escalator. Une valise trop pleine comme toutes ses valises trop pleines. Tombe penché, symptôme. Fille, il est fatigué de valser, danser. Cet homme veut penser, cet homme veut flâner. Symptôme, qu'il est fatigué de se faner, de se crier. Cet homme veut se recueillir. D'aluminium, symptôme, avalé plus d'aluvalium. Cet homme a de la trempe, de la couleur sur ses tempes. Cet homme veut aller, aller, aller, aller, aller. Cet homme ne s'étonne plus d'en faire des tonnes d'alum. Cet homme veut danser, symptôme. Cet homme continue de marcher dans l'escalator, une valise trop pleine comme toutes, c'est une valise trop pleine. Agora, Fidelio et Orly Chap ne nous offrent plus de concerts. Nous espérons que Bancal Chéri passera dans notre région, mais à ce jour, rien d'annoncé. Nous devons donc nous contenter de les programmer dans Radio Lezinc. Par contre, fin janvier, au Coteau, vous aurez à l'affiche Yvan Marc en compagnie de Fred Bobin et des Tites Nacelles. Ne les loupez surtout pas, ce sont des potes de Radio Lezinc. Alors, s'annonce les tempêtes, il n'est pas l'heure de tourner la tête. Alors que s'annonce le blizzard, il n'est pas de bon ton d'avancer. Au hasard, posons nos idéaux, laissons de côté nos drapeaux, laissons les oiseaux nous guider. Balayons nos réflexes idiots et laissons la poésie, les mots. Faire danser. Il faut danser, penser et danser. Il faut danser, penser à danser. Viens, ne gâchons pas l'aventure. Restons les pieds sûrs. Que la terre soit douce, nous rassure. Ne gâchons pas l'aventure, restons les pieds sûrs, que la terre nous protège des hommes. Il y a, c'est sûr, devant quelque chose de doux qui attend. Il y a, c'est sûr, devant quelque chose de précieux qui attend. Au hasard, nuit et les yeux ouverts de lâcher prise. Gagner la course à l'essentiel, démolir les prisons virtuelles qui nous divisent. Retrouver le fou du village, contempler les roseaux sauvages, ouvrir nos portes qui pèsent des tonnes, enchanter nos vies monotones. Quitter les villes tentaculaires, mégalopoles carnassières, marquer une pause. S'éloigner des marchands du temple qu'on a érigé en exemple et qui implose. Retrouver le fou du village dans la brume des marécages. Chercher le diamant dans la boue, respirer et vivre debout. Vous écoutez Radio Le Zinc. Il se soigne et il s'éponge l'amour quand il joue les fugueurs. Elle t'empoigne et elle te ronge, la haine est un cancer du cœur. Il a plus d'arc, il a plus de flèches, il se la joue comme un sniper. Elle a pas d'armes, mais dans la brèche, elle te dévore de l'intérieur. Amour ou haine, quitte à choisir, je prends le moins pire. Je préfère crever d'amour debout que de mourir seul sur le champ d'horreur. Quitte à ce qu'on vole la fleur du bout de mon fusil, qu'une innocente reçoive une balle perdue de rancœur en plein cœur. Encore plus fort quand il joue la carte des regrets. Elle s'assoit sur tes remords, cette putain sans pitié. Il t'a fait plusieurs trous dans le cœur, comment tiens-tu encore debout? Elle a pas d'âge, elle a pas d'heure, et elle te noie dans la boue. Amour ou haine, quitte à choisir, je prends le moins pire. Je préfère crever d'amour debout que de mourir seul sur le champ d'horreur. Quitte à ce qu'on vole la fleur du bout de mon fusil, qu'une innocente reçoive une balle perdue de rancœur en plein cœur. Faudra choisir ton dessin dans ce dédale qui se délabre. Ils se cacheront dans les recoins des portes fermées et de sorties. Y aura pas d'autre issue de secours entre les fleurs fanées et les orties entre. Amour ou haine, quitte à choisir, je prends le moins pire. Je préfère crever d'amour debout que mourir seul sur champ d'horreur, quitte à ce qu'on vole la fleur du bout de mon fusil. Qu'une innocente reçoive une balle perdue de rancœur. Belle triplette, c'était Yvan Marc, Fred Bobin, les petites nacelles, bientôt à l'affiche, fin janvier, au Coteau. Et Radio Lozinc sera au rendez-vous. Depuis quelques semaines, secoue les neurones de Radio Lozinc. Nous espérons vous convaincre et de plus les écouter. Et après le calme de À l'abri que nous venons de partager, voici le C'est tous les jours de Brune. Attention, c'est légèrement plus dynamique. Reste là, allume-moi un instant. Reste là, fume mes lèvres. T'es si beau, oh, plus beau que

comme des spaghettis western. Je ne suis qu'un trucage humain en voyage vers l'Andalousie, le pays où les paysages se dessinent comme des spaghettis western. Je ne suis qu'un trucage humain en voyage vers l'Andalousie, le pays où les paysages se dessinent comme des spaghettis western. Connaissez-vous les Lulevent Trap des Lyonnais? Je crois, comme quoi Radio Zinc aime bien le mélange des cultures. Lulevent Trap sort un nouvel album dont le premier extrait s'appelle L'amour à la bagarre. Je vous les propose tout de suite. Je me sens bizarre à cette fête où je suis pas. Je la reconnais bien là, la ville qui se mérite, qui se gagne à la sueur, la cité interdite aux misérables imposteurs. Mouillée jusqu'à l'os, du soir jusqu'au matin, le bitume brille comme du gloss sous ce putain de crachin. Mais à trop vouloir médire celui qui ne l'aime pas finira par subir les noires colères du Nord-Roi. Sans nuance de gris commence. C'est toujours égal à elle-même, comme une vieille amie d'enfance. Mais de là à dire qu'on s'aime, rien n'est jamais écrit. C'est chaque fois le même baptême du feu et de la pluie, avant que reste même. Jusqu'à l'os, on a beau raconter qu'on a bien roulé nos bosses, mieux vaut ne pas se la ramener. Si les bras sont fermés à tes charmantes effusions, c'est pour mieux t'enlacer à la prochaine saison. Sans nuance de gris commence, c'est toujours égal à elle-même, comme une vieille amie d'enfance. Mais de là à dire qu'on s'aime, rien n'est jamais écrit. C'est chaque fois le même baptême du feu et de la pluie, avant que reste même. Mouillé jusqu'à l'os, c'est pas non plus le déluge. On s'amuse comme les gosses dans quelques lieux hydrofuges, à refaire le monde avec d'imparfaits inconnus. Ce soir on fait la bombe et on dansera dans les rues. Sans nuance de gris commence, c'est toujours égal à elle-même, comme une vieille amie d'enfance. Mais de là à dire qu'on s'aime, rien n'est jamais écrit. C'est chaque fois le même baptême du feu et de la pluie, avant que reste même. Récemment découverte, mais pour le moment, si nous ne la validons pas, si nous ne l'estampillons pas, Maya Barsoni, malgré tout, on aime son sympathique point virgule. J'ai changé, pris du recul, j'ai tourné ma langue dans ma bouche, transformé mes points en virgule, j'ai mis de l'encre bleue dans ma cartouche. Il y avait au fond de moi la rage, mais maintenant que j'ai tourné la page, je suis à même d'éviter le conflit. Je mets mes points dans la poésie, et quand je pense au passé ça me saoule. Quand sur mes doigts il y avait des ampoules, c'est révolu, je les ai mis KO. Je suis à nu, je repars à zéro. Quelques mots d'amour me feraient du bien, un peu tous les jours, car j'en ai besoin. J'ai rangé mes points. Et c'est un choix, tout un art de vivre, que de laisser les points dans les livres. Une forte dose d'amour dans mon micro, oh, et ces poèmes se changeront en flots. J'ai mis mes points entre parenthèses, dorénavant je me sens balèze. Si tu vois rouge, prends ce petit bol d'air et chante ces quelques mots à ta manière. Quelques mots d'amour me feraient du bien, un peu tous les jours, car j'en ai besoin. Quelques mots d'amour dans des gants de velours. Mes points. J'ai changé, pris du recul, j'ai tourné ma langue dans ma bouche, transformé mes points en virgule, j'ai mis de l'encre bleue dans ma cartouche. Quelques mots d'amour qui nous font du bien, un peu tous les jours, on en a besoin. Ce soir, Pigalle est dans Radio Le Zinc. On m'appelle le dézingueur, j'ai quand même un grand cœur, même si je suis catcheur. Pour l'école où je me prenais moult torgnole, mon papa m'a montré une prise décisive. J'ai essayé avec le petit René, il a rebondi dans ses bretelles. Ce sera donc le ring, mon avenir professionnel. On m'appelle le dézingueur, j'ai quand même un grand cœur, même si je suis catcheur. J'ai eu comme entraîneur Gérard Bantel, qui portait mal son nom, mais il m'avait pris de suite en affection. Il voulait faire de moi un vrai champion, mais j'étais rusé comme un étron. Je serais juste à me faire valoir pour les bons. La carrière de catcheur, c'est pas vraiment du bonheur. Qu'on soit perdant ou vainqueur, c'est toujours à l'heure. La vie ainsi faite, si j'avais su ce que ça allait être, j'aurais tout de suite changé de casquette, je serais devenu majorette. On m'appelle le dézingueur, mais j'ai quand même un grand cœur, même si je suis catcheur. C'est à l'issue fatale d'un match en Picardie que j'ai connu Margaret et ses bigoudis. Je partais, j'ai vu près de la sortie, étalée par terre, taux d'alcool maxi. Quand je l'ai ramassé, elle me dit voilà moi, merci. Elle était brave, affectueuse et bête, ça allait bien avec moi, qui suis très niais. C'est un fait, on se regardait coincé avec la bouche ouverte. On n'a pas fait d'enfant, on n'a pas trouvé la recette. C'est pas vraiment du bonheur. Qu'on soit perdant ou vainqueur, c'est toujours à l'heure. La vie est ainsi faite. Si j'avais su ce que ça allait être, j'aurais tout de suite changé de casquette, je serais devenu majorette. On m'appelle le dézingueur, j'ai quand même un grand cœur, même si je suis catcheur. J'avais catché comme une brêle, l'autre m'avait mis les gencives en dentelle. En rentrant, j'ai dit Margaret, c'est la plus belle. Elle a compris poubelle, je ne la revis jamais avec ses pantes j'appelle. Tout seul à la maison, maintenant je me mords sur la paix du ring. Me donne des frissons, mais pas vraiment des frissons d'excitation, non. Plutôt des punitions, mais je m'en fous au fond. C'est psychanalytique, c'est la faute à papa. Il n'avait qu'à pas m'apprendre ça. Le catch, ma bonne dame, m'en parlait plus. Surtout j'ai les oreilles en pouillu. J'y crois pas encore à vous. Aïe, il m'a mis une passe deck. Oh, je suis KO. Je joue à Gérard Majax, c'est Bigorno. Oh, qu'il est beau. Pigalle vient d'emplir les trois dernières minutes de votre Radio Le Zinc. Si vous avez aimé, nous en sommes ravis. Mais à présent, préparons notre dernière ligne droite que vont emprunter Thomas Winter et son pote Bog. Je suis libre comme le vent, suis-moi. Allons droit devant, je suis libre comme le vent, suis-moi. Allons droit devant, je serai l'amant ultime. Rien qu'un peu, rien qu'un moment, tu me désarmes, tu es sublime. Aime-moi rien qu'un instant, je suis libre comme le vent, suis-moi. Allons droit devant, je suis libre comme le vent, suis-moi. Allons droit devant, essuie tes larmes, tu es divine. égarons-nous tout simplement? Rien qu'un sourire tout s'illumine. Soyons libres excessivement. Je suis libre comme le vent. Suis-moi, allons droit devant. Je suis libre comme le vent. Suis-moi, allons droit devant. Je serai l'amant ultime. Rien qu'un peu, rien qu'un moment. Accorde-moi rien qu'un instant. Rien qu'un regard dans la nuit noire. Comme un baiser se fait savoir. Traquons l'étreinte, l'éternité. Caressons-nous sans s'arrêter. Je suis libre comme le vent. Suis-moi, allons droit devant. Je suis libre comme le vent. Suis-moi, allons droit devant. Dans la tourmente et puis la brise, dans des courants de volupté, sans formalité requise, égarons-nous pour s'aimer. Je suis libre comme le vent. Suis-moi, allons droit devant. Je suis libre comme le vent. Suis-moi, allons droit devant. Je suis libre comme le vent. Suis-moi, allons droit devant. Je suis libre comme le vent. Suis-moi, allons droit devant. Partir avec toi, voir si la terre est bien ronde. Partir avec toi à l'autre bout des mondes. Sourire avec toi, à gorge déployée. Sourire avec toi, quitte à se damner. Se salir avec toi, se baigner dans la suie. Se salir avec toi, se saigner sous la pluie. Partir avec toi, voir si la terre est bien ronde. Partir avec toi à l'autre bout des mondes. Sentir avec toi le parfum des aurores. Sentir avec toi le malaise et la mort. Trahir avec toi nos pensées les plus salaces. Trahir avec toi sans laisser de traces. Partir avec toi, voir si la terre est bien ronde. Partir avec toi à l'autre bout des mondes. À l'autre bout des mondes. Avec toi, après le temps qui court. Mourir avec toi, comme on crève de trop d'amour. Finir avec toi, comme un conte se termine. Finir avec toi, comme on s'aime, se réanime. Partir avec toi, voir si la terre est bien ronde. Partir avec toi à l'autre bout des mondes. À l'autre bout des mondes. À l'autre bout des mondes. Comme tous les jeudis vers 18h, Radio Lezinque tire sa révérence. Mais ce soir, nous nous quittons comme d'habitude en beauté avec Fanch qui nous chante Destin Roussi. Sur ce, bis à messieurs. Bis à mesdames. Je crois ma vie bien faite. Et pourtant à cette fête, on m'a retrouvé mort. Avec cet air bête qu'ont les petits chiens, perdus sans leur maître. Si l'on m'avait prévenu qu'au bout de la rue, on me mangerait tout cru, je les aurais revus, mes grands livres d'histoire et mes histoires de cul. Je la croyais bien faite, mais ma vie n'est en fait qu'une branche qui se tord. Sous le poids des contraintes, sous le vent des remords, sous la bêtise des plaintes. Si l'on m'avait prédit que mon tout premier cri ne serait qu'une esquisse, je les aurais revus, mes grands livres d'histoire et mes histoires de vice. Et pourtant, sans bruit, je la regarde et je me dis: tes chaussures, ton haleine, ta gamine, tu les enlèves, tu fermes la bouche, tu t'en occupes. La lumière, ton veste à la cuisine, tu l'éteins, elle gâchée sans le roussi. Tes chaussures, ton haleine, ta gamine, tu les enlèves, tu fermes la bouche, tu t'en occupes. La lumière, ton veste à la cuisine, tu l'éteins, elle gâchée sans le roussi. J'ai compris. C'est pourtant à moitié qu'on profite du voyage, se contentant de peur, d'une retraite de bon cœur et du choc des images. Si l'on m'avait prévenu que les combats d'antan ne seraient que sinécures, je les aurais revus, mes grands livres d'histoire et mes histoires d'allure. Je croyais le monde bien fait, pourtant c'est un fait, nous sommes tous prisonniers. Plus question de sourcils, le casier bien rempli, on va tous y passer. Et pourtant, sans bruit, je la regarde.